Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et image par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Bonsoir à mes amis auditeurs de Radio Méditerranée VAR. C'est encore une émission, une édition du Son de l'Underground, jeudi 17h. Vous êtes avec Fred Cominatia en direct des studios Omui. Vous êtes dans le VAR, vous êtes dans le monde entier, vous nous écoutez, ça fait plaisir, ça change de son. Dans la région, quoi vous dire, aujourd'hui un petit programme sympathique. Je vous proposais de vous présenter 6-7 morceaux là, des nouveautés que j'ai chopées ces dernières semaines, des trucs qui s'écoutent tranquille à la maison, avec présentation un petit peu des artistes, vous dire qui chante quel label. Et ça sera une petite demi-heure entre nous comme ça, et puis pour se chauffer, puis après c'est de la techno pendant 2h30, c'est de la techno dédiée à une image bien précise. C'est une intro, on va vous en parler de toute façon. On part sur un gros événement électronique, un gros événement techno house qui va se passer à Roquebrune-sur-Argent, ici dans le Var, le 27 et le 28 juin. Ça s'appelle Sutronic. Il va y avoir vraiment un plateau superbe, éclectique, avec vraiment différentes facettes de la techno et de la house, des lives, des DJ sets. En tout cas, voilà, de quoi aussi mettre en avant les personnes du Sud qui sont actifs dans ce milieu-là, qu'elles soient originaires du Sud et maintenant ayant réussi, vivant ailleurs, ou qu'elles soient encore dans le Sud, des centres systèmes sur Marseille et autres. Mais bon, on est en train de ficeler tout ça et je vous donnerai les noms en particulier. En tout cas, moi j'y suis et ce mix de ce soir sera un préambule et vous montrera un petit peu le niveau, un petit peu de techno, un petit peu forte que moi je vais présenter pour mon set techno durant ce festival. Les rendez-vous à venir, on a samedi là, on a au Diez à Montpellier, on a l'ami Enguerrand qui, avec son association Cosa Minimalista, organise une belle soirée techno avec les Yellowheads. C'est un duo éclectique qui fait du live, ça va être super. Et puis ils enchaînent avec un after qui sera au Yaka, toujours à Montpellier, de 6h à 12h pour les plus noctambules. Quoi vous dire aussi, le 21, j'ai mon ami David R qui aura une soirée au Cozy Bar à Fréjus, une soirée spéciale Deep House, association Mirabelle, qui sera aussi présente au Sudtronic avec 4 DJ. Voilà, donc de quoi aussi se mettre un peu en appétit. Et puis un petit peu plus tard, au mois d'avril, le 24 avril, mais je vous en parle d'abord maintenant encore, mon pote Enguerrand qui va aussi organiser une soirée super au Club Cabaret, au Cabaret Aléatoire à Marseille, avec un invité Gaston Zani. Et puis donc il y aura quand même Over the Flash, c'est-à-dire le live d'Enguerrand, et J.I. High Tech aussi, son comparse. Voilà pour les news à venir. On va se faire un premier morceau de Delta Heavy. C'est un morceau qui s'appelle Take Me Home. Et donc je vous invite à écouter ça. On va démarrer tranquillement une demi-heure. Après il y aura un petit peu de hip-hop. Je vais vous présenter quelques morceaux, des nouveautés superbes. Mais en attendant, je vous laisse avec Delta Heavy. I'm alive, I don't wanna go. I don't wanna go home. I'm alive, I don't wanna go. I'm alive, I don't wanna go home. Is this a dream? Stay close to me, baby. Oh, Delta Heavy, Jem Cookie à la voix, un morceau qui s'appelle Take Me Home, plutôt joli. On va enchaîner avec un petit morceau rap, j'ai 3-4 morceaux hip-hop moderne à vous passer, un jeune petit gars qui s'appelle Young Trap, qui a fait un super album, et j'ai 3-4 morceaux à vous présenter. Celui-là il s'appelle I'm a Dog, et c'est accompagné de Mista CEO. Voilà, tout de suite Young Trap. Bitch, I'm a dog. Ducking the calls. The bitch is a toss. She taking it off. You say you love her, but she bout to fuck us all. You say you love her, but she bout to fuck us all. Bitch, I'm a dog. Ducking the calls. The bitch is a toss. She taking it off. You say you love her, but she bout to fuck us all. You say you love her, but she bout to fuck us all. Bitch, I'm a dog. Yeah, bitch, I'm a dog. Met the bitch at the mall. Took her straight to the crib. Ran straight through a wall. Had her singing Lou Rawls. Yeah, my young niggas wanna toss that. Found a bitch, then I lost that. Her head whacked, but her pussy leaked. So I gave the bitch mouth back. She called my phone and got blocked. Her pussy wetter than a mop. She ain't have on no drawers. So I fucked her out of socks. Her boyfriend finna call. So I nigga gotta stop. I put the pussy on pause. Then I went and got some top. She a super freak. Good pussy and it's super deep. High as fuck, she be super deep. But you gotta hit her when the baby sleep. You know she staying at her mama house. So I put her den up in her mama couch. That ass fat boy, she super stout. I be in her mouth like a rooker now. Bitch, I'm a dog. Ducking the calls. The bitch is a toss. She taking it off. You say you love her, but she bout to fuck us all. You say you love her, but she bout to fuck us all. Bitch, I'm a dog. Ducking the calls. Bitch is a toss. She taking it off. You say you love her, but she bout to fuck us all. You say you love her, but she bout to fuck us all. Niggas say love the bitch, wanna hug the bitch, wanna flood the bitch with a jury drink and a game of rain. Wanna wear the scene, all the major things, I'ma say this bitch. Crazy thing, she was on my dick and she slurped me up, made her burp it up. Slung my ball, so I had to fuck. Her nigga callin', better hurry up. Pull up with the hood up, she was downtown like wow wow. I'm a grown man, no bow wow. Want another round, I'm like yeah yeah. Trap hit, then Chris hit, then Bo hit. I'm so lit, I'm pro lit, like Nate Neal. You see drip, please don't slip. Hit one more nigga, call my motherfucking phone. Asking me about his bitch, cause last night she did not come home. I'ma walk up to his house and I'ma smack him in his dome. Silly rabbit, trigger happy, we done smashed and now we gone. Bitch, I'm a dog. Ducking the calls. The bitch is a toss. She taking it off. You say you love her, but she bout to fuck us all. You say you love her, but she bout to fuck us all. Bitch, I'm a dog. Ducking the calls. The bitch is a toss. She taking it off. You say you love her, but she bout to fuck us all. You say you love her, but she bout to fuck us all. Young Trap et Mr. CEO, I'm a Dog. On va continuer avec un autre morceau de Young Trap sur le même album, Hustle and Glow. Celui-ci, il est avec Boozy Bastaz. Ça s'appelle For the Hood. Listen to this track, bitch. Young Trap. This for the hood, yeah. This for the hood, this for the hood, this for the hood. This for the hood. This for the hood. Ooh. This for the hood. This for the hood. This for the hood. This for the hood. This for the hood. club, Friday at the precinct. Damn. Yeah, my granny Damn. Tried to teach me and make me decent. Yeah. Yeah. I was hustling, I was beasting. Yeah, I was reaching. Goddamn. I got a gun and then I got a sack. Bow, bow. My nigga Chico called a charge, they gave him 50 flat. Chico. That hurt me, I was working, then I bought a latch. And yeah, it's been a rocky road, and then I caught a flat. How real is that? This for the hood. This for the hood, this for the hood. Young Trap, Boozy Badass, For The Hood, l'album Hustle and Glow. On va continuer encore avec un morceau de ce même album, plutôt intéressant. Ce coup-ci, ça s'appelle Fuck Love, et c'est avec un, en duo avec un autre rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Too Short. Allez, on envoie ça. Nigga, fuck love. Too many hoes in the club. Too many hoes in the club. Nigga, fuck love. I got that drink in my cup. I got that drink in my cup. Nigga, fuck love. Too many hoes in the club. Too many hoes in the club. Nigga, fuck love. I got that drink in my cup. I got that drink in my cup. Nigga, fuck love. Nigga, I ain't on no love shit. I just show up to the club lit. Yeah, yeah, I get the bottle when I walk in. Cause I'm the bartender best friend. Yeah, yeah, I deserve what I came here for. Pockets big with some change to blow. Make it rain or snow. Got a girl, but I need some more. What I'm doing, she don't need to know. Nigga, fuck love. Too many hoes in the club. Too many hoes in the club. Nigga, fuck love. I got that drink in my cup. I got that drink in my cup. Nigga, fuck love. Too many hoes in the club. Too many hoes in the club. Nigga, fuck love. I got that drink in my cup. I got that drink in my cup. Nigga, fuck love. I ain't trying to be in love. Getting in your feelings, we knowing what it was. Met you on Tinder, now you getting in the truck. Put that ice in the blender, now we getting in the tub. I don't wanna be your boyfriend, cause it come with too much. I pull up European and my driver speak Dutch. My niggas on 10, I don't know who to trust. That's how I ended up at the club. Nigga, fuck love. Too many hoes in the club. Too many hoes in the club. Nigga, fuck love. I got that drink in my cup. I got that drink in my cup. Nigga, fuck love. Too many hoes in the club. Too many hoes in the club, nigga, fuck love. Fuck love. I got that drink in my cup. I got that drink in my cup, nigga, fuck love. Fuck love. What the fuck they got to do with it? I hit it once or twice, then I'm through with it. She said it's your turn, nigga, you hit it. And don't run around bragging on these loose bitches. Cause every time I walk through the door, they all up in my face trying to fuck with Too Short. I'm from the O. I only fuck with the hoes that get money on the pole of the stroll. Nigga, fuck love. Too many hoes in the club. Too many hoes in the club. Nigga, fuck love. I got that drink in my cup. I got that drink in my cup. Nigga, fuck love. Too many hoes in the club. Too many hoes in the club, nigga, fuck love. I got that drink in my cup. I got that drink in my cup, nigga, fuck love. Young Trap et Too Short, Fuck Love, un joli duo. On va finir avec un dernier morceau de cet album Hustle and Glow. Young Trap tout seul, en solo, On Me. C'est parti. Chamberlain, he's got it. I keep some guala on me. Got a lot of on me. Louis Prada on me. Baby mama on me. Got a chopper on me. Heartstopper on me. Helicopter, police. I just cop the Rollie. Keep some guala on me. I got a lot of on me. Louis Prada on me. Baby mama on me. Got a chopper on me. Heartstopper on me. Helicopter, police. I just cop the Rollie. woke up and got it. From selling narcotics. My bitch got a body. She hella erotic. I just took her to the gun store. We blowing grass like a lawnmower. We plug walking in the concourse. She from the boot like Yonkor. I'm in the coupe. I'm in the gang. I'm in the stoop. We be together like we in the group. Ice in the bezel and stars in the roof. Yeah, yeah. I'm never off cause it's on me. I'm getting high but I'm low key. Middle finger to the police. You don't really want no beef. Keep some guala on me. Got a lot of on me. Louis Prada on me. Baby mama on me. Got a chopper on me. Hard stopper on me. Helicopter police. I just copped a Rollie. Keep some guala on me. Got a lot of on me. Louis Prada on me. Baby mama on me. Got a chopper on me. Hard stopper on me. Helicopter police. I just copped a Rollie. I just copped a new Rollie. My gun on me and it's loaded. Every drug I done sold it. Every whip I done rode it. You better pay me if you owe me. My 380 got a slow leak. My papers filled with the OG. It's right here, yeah, it's on me. Yeah, I'll be smoking. Yeah, I'll be dripping. Yeah, I'm the dopest. Bought me some bags. Got it from Oakland. Popped a few tags. Pistol is poking. Out of my pants. Out in the open. I'm out of my mind. I'm out of devotion. I'm deep in that pussy as wet as the ocean. I put on the condom and started to stroke. I started to stroke. Keep some guala on me. I got a lot of on me. Louis Prada on me. Baby mama on me. Got a chopper on me. Hard stopper on me. Helicopter police. I just copped a Rollie. Keep some guala on me. I got a lot of on me. Louis Prada on me. Baby mama on me. Got a chopper on me. Hard stopper on me. Helicopter police. I just copped a Rollie. You did. Yo. Young Trap, voilà, on vient de se faire quatre morceaux de l'album, un extrait donc de Hustle and Glow, le dernier album de Young Trap. On va continuer avec un morceau de Luca, qui est plutôt quelqu'un qui fait de la house ou de la tech house, avec une chanson un petit peu tranquille, qu'on peut écouter tranquille à la maison, avec une chanteuse qui a une très belle voix, qui s'appelle Karine Kramer, et le morceau qui s'appelle The One, et je vous envoie ça tout de suite. Beyond the lines. Voilà, c'était Lucas, accompagné de Karine Kramer à la voix, un morceau qui s'appelle The One, un morceau qui peut rappeler du Björk, un morceau qui peut rappeler du Portishead, du Massive Attack. Sans ces gens-là, il n'y aurait pas de morceaux comme ça aujourd'hui, et si on va encore plus loin. Sans le label 4AD sur Virgin, sans Cocteau Twins, sans Dead Can Dance, sans tout ça, il n'y aurait pas aussi ces morceaux comme ça, il ne faut jamais l'oublier. Pour tous ceux qui cherchaient ces musiques-là dans les années 80, qui passaient pour des fous, aujourd'hui c'est de la pop pratiquement. On va finir cette section-là avec un morceau d'un rappeur que j'adore, qui s'appelle T.Y., qui fait un morceau rap tech house un petit peu avec Sarina Lee et Sean Escofuri. Ça s'appelle Emotions et je vous envoie ça tout de suite. Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia. Mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Voilà, fin de cette petite revue de petits morceaux pour l'apéritif. On avait fini donc avec T.Y. En compagnie de Sarina Lee et Sean Escoffery pour un morceau qui s'appelle Emotions. On va passer donc à un mix pur techno. Là, encore une fois, âme sensible, s'abstenir. Mais bon, on va démarrer, je vais vous montrer ce que c'est vraiment de monter la mayonnaise. On va démarrer par un tempo plutôt cool, tranquille, mais déjà techno. Et on va monter la sauce petit à petit. Vous allez voir, on va finir, on va y être, quoi. Donc, avant de démarrer les platines, je voulais juste vous rappeler les rendez-vous donc importants au milieu associatif underground de la région. Le 14, donc samedi soir, au Diez Warehouse, la Cosa Minimalista qui organise une soirée autour des Yellowheads, un duo live techno qui va envoyer du pâté. Ensuite, une after de 6h à midi au Yaka. Tout cela donc avec Over the Flash et Jay Tech, il me semble. Le 21 mars, on a au Cozy Bar David Air qui fait une soirée Deep House, Cozy Bar à Fréjus. Donc le premier rendez-vous, c'était Montpellier. Hein. Fréjus là pour le deuxième, le 21 mars, le samedi qui suit. L'association Mirabel présente au Sudtronic et puis aussi les premiers que j'ai cités aussi, Cosa Minimalista sera présente aussi au Sudtronic du 27 et 28 juin, on en reparlera, on aura le temps dès qu'on a, on va commencer un peu de com et vous allez voir, c'est vraiment on va se régaler quoi. Et puis un petit peu en avance, le 24 avril, toujours Cosa Minimalista qui fait Techno Rules aussi, c'est deux assos à travers les mêmes personnes. Cet assos Techno Rules, pardon, fait une soirée au Cabaret Aléatoire à Marseille, un lieu culte de la musique électronique à ce moment, et reçoivent Gaston Zanis. Ça va être donc encore une fois une très belle soirée. Donc en tout cas, ben là on va partir. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h pour la fin de l'émission où je vous ferai un petit rappel sur les rendez-vous. Et puis là, ben, on va envoyer, ben, je sais pas, si vous aimez le pâté, sortez-vous un petit verre et des biscottes parce que ça va envoyer. Allez, à tout de suite.

We'll be right back.

Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Voilà, fin de ce set pur techno. J'espère que vous avez bien trippé. En tout cas, moi j'ai bien trippé. On est parti, vous avez vu, comme je l'avais dit, d'un pot plutôt cool, toujours techno quand même. Et puis on est arrivé quand même là. Je vous ai dit qu'on y était, quoi. On était en pleine rave, quoi, je pense. En tout cas, ceci est un petit teaser, un avant-goût de ce qui va vous attendre à Sudtronic. On va reparler de ce festival 27 et 28 juin à Roquebrune-sur-Argens. Premier gros festival techno, house, vrai techno, vrai house dans le coin. Deux jours, journées différentes, mais parsemées de très bonnes house, de progressives, de techno, de hard techno. Voilà, il y en aura pour tout le monde, mais là, si vous avez vu, bon, voilà, si vous êtes fan de David Guetta, tout ça, je crois que c'est pas la peine, vaut mieux aller un petit peu plus loin, ce sera plus cool. Il y a d'autres établissements, je vais pas les mentionner, mais voilà, donc rendez-vous est pris 27 et 28 juin. La semaine prochaine, on fera quelque chose de différent, un peu moins techno, mais je voulais marquer le coup, vous montrer un petit peu ce qui va vous attendre sur du gros son. On va avoir vraiment, je sais pas, 30, 40, 50 kilos de super son. Tout ça grâce à l'association de Radio Méditerranée VAR. Donc voilà, quoi, grâce à vous, grâce aux auditeurs qui nous suivent partout dans le monde et surtout dans le VAR quand même, mais partout dans le monde quand même. Je vous rappelle en tout cas les rendez-vous associatifs de qualité en son underground dans les jours qui viennent. Vous avez donc samedi soir au Diez Warehouse à Montpellier, vous avez une soirée avec les Yellowheads. En live, une soirée organisée par Cosa Minimalista, Enguerrand, je pense que ils joueront aussi soit là, soit après au IAKA pour l'after de 6h à midi. Donc vous avez donc Jerry Tech et Over the Flash aussi. Voilà, tout est à Montpellier, mais c'est sur une grosse soirée qui finira à midi pour ceux qui veulent se déplacer. Je pense que ça vaut le coup. Semaine d'après, c'est plus local, plus cool dans le sens plus tôt et moins barré quand même. On finit pas à midi, mais là on finit à minuit, on va dire, un peu, ou à 1h. Soirée Deep House avec mon pote David Air de Mirabel qui sera au Cozy Bar à Fréjus. Et puis un petit peu en avance, toujours par le même crew là, qui va faire le Diez Warehouse, mais ce coup-ci avec Techno Rules. Ils seront au Cabaret Aléatoire, au Club Cabaret à Marseille, et ils accueilleront Gaston Zani pour une belle soirée aussi avec du super son. Voilà, ben en tout cas, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne semaine sur Radio Méditerranée. On se retrouve jeudi prochain pour un son de l'underground, comme d'habitude. Et puis une spéciale dédicace à Laurence qui a dû kiffer grave ce mix. Et puis aussi à Moa, parce que je pense qu'elle a vraiment kiffé aussi. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur Radio Méditerranée VAR.